Mardi 15 octobre, bienvenue à l'aérospatiale Julie Gagné avec vous jusqu'à 18h30 pour vous parler, bien entendu, du monde des arts visuels à Québec. Aujourd'hui, à l'émission, Alain Snyder viendra nous parler de son exposition « Retour sur l'expérience et après ». Donc, une sorte d'exposition rétrospective avec des œuvres nouvelles qui est présentée au lieu jusqu'au 27 octobre. Dominique Savoie est allé faire un tour à la Maison des Jésuites de Sillery pour voir l'exposition « Baliser le territoire, manifestation d'art contemporain autochtone ». Elle va nous la présenter en deuxième partie d'émission. Également, on discute avec Jean-Pierre Labiot, commissaire de l'exposition « La collection William S. Paley, un goût pour l'art moderne » qui est présentée au Musée national des Beaux-Arts. Raymond Poirier viendra nous faire sa revue de presse comme à l'habitude. Et bien entendu, le tout sera ponctué de la sélection audio de Simon Roy. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on écoute, Simon, cette semaine? Une superbe découverte, un album vraiment emballant. Je pense que c'est déjà dans mon top 5 de l'année. Puis ah peut-être ouais? Même à vie, oui. J'ai pogné quelque chose cette semaine. C'est un trio qui vient de Los Angeles aux États-Unis. C'est Clipping. C'est formé par William Hudson puis Jonathan Snipes aux machines. Puis c'est en voix, c'est David Diggs. C'est un mélange de gangster rap avec du noise, vraiment une drôle d'association. Ouais. Quand j'ai entendu ça m'a fait penser un peu à Death Grips, un peu pour la fureur, puis un peu à Éric Dorion aussi, côté instrumental. C'est vraiment renversant. Je suis tombé en bas de ma chaise, comme on dit. Ah ouais, fait que tout de suite, tu t'es dit, ben voilà, on écoute ça à l'aérospatial. Le plus rapidement possible. C'est trouver quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire. Donc, pour les mélomanes, je pense que c'est absolument un must. Du rap vraiment agressif. Vous allez voir quelque chose de vraiment différent. Ben, Simon Roy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, on en écoute un extrait tout de suite. On écoute Bob Dat sur les ondes de CKRL. This is for the quarter water, penny candy, poor ventilation, broken freezing with a heater in the rain. Came from the slime at the bottom of the land before time, from the chalk dust falling out the pocket. The time James died on good times, the time lapse of the sunrise on the Arctic. Shit from the vomit of the bile with no solid human feces by the soil sleeping bag on the street, by the road where they fight over french fries and dope, where they choke for peso. Bitch, this from that C-section, from the bloody afterbirth of the grief, blood streaks on the back of a hearse. All green, everything getting that guac. All clean, everything swag on lock. Everybody holler at the first thing, fucking real G shit means don't say nothing. About that game, about that life, about that yay, about that pipe, about that money, about that shit. Ain't that just about a bitch, about that trap, about that gun, about that bitch, better not run, about that gold, about that ice, about that blood, about that life. For the teeth loose, for the holding on by the root, for the skeet shoot, take it on the chin for the freaks, for the stiff upper lip, uppers loving the lift, the other utterances, yeah, I'm fucking your bitch, the hard facade over the hard heart, the chrome rim, look at them whipping the work of art, the fuck is Basquiat, park named Rosa Parks, and the dogs let out to walk, and the gods all talk gibberish, yep, littlest pup, figure bigger enough, to scrap for the meat, with a rat eating the street, till it rots fecal for free. Voilà, c'était un extrait de l'album Mid City de Clipping, de suggestion de Simon Roy. D'ailleurs, Simon, que vous pouvez entendre à la barre de Web Musique le dimanche soir. Ces suggestions sont en lien pour les téléchargements gratuits sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Mon Dieu, c'est pas facile. Hein? C'est quoi cette histoire de ne pas se rappeler son adresse d'émission? Alors voilà, ainsi que l'émission en balado-diffusion et les liens de la revue de presse de Raymond Poirier, qu'on vient tout juste d'entendre rire. Bonjour Raymond. Bonjour Julie. Comment ça va? Ben ça va bien et j'avoue regretter de ne pas avoir été à New York la semaine dernière. Tous les médias en ont parlé après coup. L'artiste Banksy, qui est de passage, on le sait en fait depuis déjà quelques semaines. En fait, il s'est donné un mois de résidence dans les rues de New York, une espèce de projet qu'il a intitulé Better Out Than In, mieux dehors que dedans, ou plutôt ringard que cliché, tout dépendant de l'interprétation qu'on veut en faire. Et ben donc il est à New York pour un certain temps et notamment il a décidé d'organiser une vente d'œuvres originales les plus célèbres ou presque à des prix cassés dans la rue sans avertir personne et de faire évidemment aussi une vidéo autour de ça. Ça montre une autre dynamique, si on peut dire, dans la vente d'œuvres, des gens qui cherchent à acquérir une œuvre qui normalement devrait coûter peut-être 142 000 euros et qui essaient de la négocier parce que à 60$ ils trouvent que c'est trop cher et essaient de le faire baisser à 40$ parce que négocie toujours quand on achète quelque chose, indépendamment du prix, indépendamment de la valeur réelle peut-être connu ou non de la chose. On voit Banksy, le vendeur de peinture de Banksy ramer pour faire du chiffre. Personne n'achète sauf quelques curieux. On parle de 309 euros d'œuvres qui ont été vendues. Le 309 euros, ça représente à peu près 23 000 euros en valeur réelle de ce que les gens ont acheté sans le savoir. Évidemment, tout ça est intégré là, dans sa dynamique et ses critiques du marché de l'art, notamment. On sait simplement dans son show aussi d'installer des œuvres dans des lieux moins traditionnels dans la rue qu'il a vu naître aussi de manière générale. Alors voilà, une performance assez intéressante. Il y a beaucoup d'articles, on a choisi pour la revue de presse le lien de Libération. Et puisqu'on parle du marché de l'art, mentionnons qu'il y a plus de 700 millions de dollars d'objets de collection qui ont été adjugés ces derniers jours à Hong Kong avec une série de records planétaires. Le marché de l'art asiatique est à nouveau en effervescence. La concurrence s'aiguise entre maisons de vente chinoises et étrangères. Les géants se sinisent, si on peut dire, leurs rivaux orientaux qui s'internationalisent. Les gens sont en train de réfléchir à l'impact que ces changements de paramètres-là auront sur les marchés de l'art ici comme ailleurs. On ne sait pas encore si Pékin va réellement lever des restrictions qu'il impose au nom de la protection du patrimoine aux étrangers qui souhaitent opérer en Chine. Parallèlement, l'intérêt aussi de l'art chinois vers les publics hors Chine. Alors, beaucoup de réflexions autour de ça, mais reste que d'une manière ou d'une autre, les collectionneurs et les spécialistes sont d'accord. Le marché de l'art chinois a retrouvé son dynamisme après une contraction inattendue en 2012 qui avait permis à New York de reprendre à Pékin la première place mondiale. Et ben voilà, donc ils sont de retour là en avant des palmarès des ventes. Sinon, autre nouvelle du côté de Montréal, en fait, simplement pour mentionner que le Musée d'art contemporain de Montréal, en collaboration avec Arsenal, lance une compétition pour les artistes émergents. Ça s'appelle Les Ateliers. C'est une compétition qui va offrir des espaces de studio à 6 jeunes artistes en janvier et février prochain. Durant cette compétition-là, on promet d'offrir aux artistes des classes de maître avec 7 artistes internationaux, avec 3 commissaires ou critiques d'art également, ainsi qu'une bourse de 10 000 $. Ensuite, tout ça mènera à une exposition à l'Arsenal et au Musée d'art contemporain. Donc, c'est ouvert à des artistes de partout, d'ailleurs, au Canada. Donc, si jamais vous ne le saviez pas, allez jeter un petit coup d'œil peut-être au site web pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. Sinon, petite mention, puisqu'on connaît le gagnant cette année du prix artistique Sobey 2013. Alors, il s'agit de l'artiste Dwayne Linklater. L'annonce a été faite durant la soirée de gala qui a eu lieu au Musée des Beaux-Arts de la Nouvelle-Écosse. Alors, on parle d'un artiste quand même assez important au Canada. Donc, Linklater, qui possède une aptitude unique à articuler de nouvelles mesures de ce qui fait un auteur et une histoire. On parle d'une approche positive et généreuse de la production artistique, qui crée un espace pour la collaboration et la participation du public. Une recherche donc sur l'autorité du langage dont il repousse les frontières, une pratique qui touche le domaine sauvage, rural, urbain et numérique. Alors le prix a été remis d'ailleurs par Raphaël de Groot, qui elle avait gagné le prix l'an dernier. Et sinon, pour terminer, petite mention, c'est sorti au début du mois, je voulais le mentionner en cours de route, simplement pour dire qu'il y aura donc des subventions, des appuis pour développer des nouveaux ateliers d'artistes dans le quartier Saint-Roch. On a abandonné par contre l'idée d'injecter $1 million pour transformer la caserne de pompiers numéro 2 de la rue Saint-Nicolas en atelier d'artistes. On va plutôt les faire et aider à développer de tels ateliers dans l'ancien complexe funéraire Lépine-Cloutier qui a été acheté par le producteur Olivier Dufour. Alors, donc Donc, ça a été annoncé. On s'est rendu compte, en fait, que ça coûterait peut-être un peu plus cher que prévu du côté de la caserne. Les artistes eux-mêmes n'étaient pas nécessairement très chauds à l'idée non plus. C'était pas leur premier choix. Il manquait beaucoup de lumière naturelle. Alors, l'immeuble, l'Épine Cloutier, s'est imposé en cours de route. Et on veut en faire un lieu technoculturel où se mélangerait technologie et art visuel. Alors, on verra évidemment de quelle manière ça va se passer tout ça, le développement, la location des ateliers également. Mais pour l'instant, donc, l'annonce a été faite au début du mois d'octobre. Donc, on met ça dans l'appel de dossier à suivre. Exactement. Raymond Poirier, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Vendredi, La vie en BD. Oui, rencontre avec l'auteure polonaise Majena Sowa. Voilà. Alors, on s'en va en pause. On écoute Guns Up sur les ondes de CKRL. It's over. You're gonna love us once we dead and gone. We what the game's been missing, but we've been here all along. They out there praying to Jesus, asking what would Hover do. I'd die for what you love, I'd slit my fucking throat for you. Blood in, blood out, blood on the dance floor. The Michael Jackson of this rapping, what you dancing for? The Charlie Manson of this mansion, Marilyn Monroe singing happy birthday to an industry that's full of hoes. Swiss cheesed up, when the gun cock they freeze up. So I gun talk, grabbing my cock, me mugging the speakers. Went backed into a corner, every animal attacks. You and me ain't nothing but mammals, you and me ain't nothing. And this rap shit ain't nothing, drool instead of spit. You thought you was a peach, they changed you up like you's a pit. And it's impossible to part with partying and shit. Take three of these, don't call me, this is the prescription, bitch. Bitch. Throw your guns up, throw your guns up. Throw your guns up if you're getting ready for the. Throw your guns up, throw your guns up. And if you're down, you should pump your fist and hold on. All these rappers scared being what they are. I run through condoms like weed smokers run through cheap cigars. I blow through reed and swishes like tornadoes blow through houses. Disney on these hoes, shouts to all my Mickey Mouses. Little plastic coffin, little red Corolla. Little patience for the doctor, little supernova. A funeral for stars, everybody carry guns. Body bag is marked public enemy number one. Flavor of the month, I'm licking ice cream paint. She like you just don't care like I'm the one to fucking blame. I gotta feed these kids, they want a poster child. It's either rap in the back to the cracking blocks gone wild. Blocks gone, I can't go back, they don't know me in my set. I'm out this motherfucker Dubai on a private jet. Private Ryan on the screen, my captain off a dub. They tried to ground me, so I joined a mile high club. C'était un extrait de l'album Mid-City de Clipping. C'était, mon Dieu, dans le top 5 de l'année de Simon Roy. Alors, on s'en va au Musée national des beaux-arts du Québec. Il y a une nouvelle exposition qui est la collection William S. Paley, un goût pour l'art moderne. Et pour en parler avec nous, le commissaire de l'exposition et conservateur aux arts décoratifs et aux expositions. Du musée, Jean-Pierre Labiot, bonjour. Bonjour. L'exposition débutait la semaine dernière. Je suis allé en fin de semaine, ça semble déjà être une réussite, hein? Oui, il semble que le public réagit bien, effectivement. Je pense que les salles valent la peine, les salles et surtout les œuvres valent la peine, valent le détour, oui. Donc, c'est un assez bon, un inventaire assez représentatif de la collection de William S. Paley. Pouvez-vous nous parler de l'homme un peu? Oui, en fait, William S. Paley est le fondateur de CBS. Il vient d'un milieu aisé, dont le père était propriétaire d'une fabrique de cigares. Et en fait, en 1925-26, le propriétaire et ses associés décident d'acheter quelques stations de la région de Philadelphie pour promouvoir la vente de cigares. Et donc, ils achètent, je pense que c'est 14 stations de radio. Et à peine une dizaine d'années plus tard, ils sont possesseurs de plus de 110 postes à travers tous les États-Unis. Et ça fonde le Columbia Broadcasting System. Et Paley a commencé à collectionner dans les années 30. C'était quand même assez avant-gardiste pour lui là, de collectionner comme ça de l'art moderne. Oui, c'est avant-gardiste, mais enfin, il y avait d'autres personnes qui étaient passées avant lui. Il ne faut pas non plus exagérer. Il y avait des gens comme Louisiana Havemeyer, les sœurs Cohn, enfin le Duncan Phillips et d'autres, avaient collectionné de l'art moderne. Que Pelé n'est pas un innovateur de ce côté-là, mais enfin, il est quand même assez audacieux dans le sens où il va collectionner des artistes qui n'étaient pas aussi appréciés que les maîtres anciens. Et il commence sa collection en 35 en faisant des acquisitions remarquables, comme trois œuvres de Cézanne qui sont, que vous avez probablement dû voir, qui sont la vue de l'Estac, la nature morte, boîte à lait et pomme, et ce petit autoportrait qu'il a acquis directement du fils de l'artiste, qui s'appelait lui aussi Paul Cézanne. Et dans les mêmes années, il va pouvoir acquérir le meneur de cheval nu de Picasso, quelques Gauguin, dont le fameux Les Germes des Arrévois, et quelques tableaux de Vuillard. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il s'est beaucoup intéressé à l'art impressionniste, au post-impressionnisme également, tout comme les collectionneurs américains aussi. Oui, c'est ça. Il a un goût qui est profondément orienté vers les plutôt les post-impressionnistes que les impressionnistes. Oui, c'est vrai. Même les artistes associés au mouvement impressionniste qui figurent dans la collection, mis à part Cézanne, mais enfin, peut-on le qualifier d'impressionniste, mis à part lui, dont l'œuvre date de 1875, je crois, l'œuvre la plus ancienne, toutes les autres œuvres qu'il acquiert de peintres dits impressionnistes, comme Renoir ou Manet, c'est des œuvres tardives. C'est des œuvres qui font vraiment partie de la fin des années, enfin, la dernière année, en fait, pour Manet, de sa vie, et pour ce qui est du Renoir, c'est une œuvre de 1904, donc les expositions impressionnistes sont déjà finies depuis fort longtemps. Et c'est vraiment la peinture fauve, la peinture du début du siècle, du 20e siècle, qu'il va privilégier. Et on le voit, on le voit avec ce tableau de Derain qu'on ne peut pas manquer quand on rentre dans les salles. Ouais. C'est tellement éclatant, c'est fabuleux. Ouais. Il semble que, en tout cas, c'est une impression que j'ai eue, il y avait un flair assez incroyable, M. Pelé, parce que les tableaux semblent représenter des périodes ou des manières qui sont marquantes pour chacun des artistes qui sont présentés. Absolument. On le remarque bien d'ailleurs avec les Picasso, puisqu'il y a trois œuvres de Picasso que je pense que n'importe quel musée dans le monde s'arracherait pour les avoir, c'est-à-dire le nu aux mains jointes de la période rose, le meneur de cheval nu et ce fameux tableau cubiste, enfin le premier cubisme qui s'intitule la bouteille de marbre Majoli. Et ces trois tableaux-là, c'est vraiment trois tableaux marquants de la carrière de Picasso, mais on l'a avec Derain. Enfin, il a été chercher des tableaux clés pour à peu près tous les artistes qui sont dans l'exposition, et ça c'est quand même remarquable quand on pense que ça a été fait dans les années 30. Oui, c'est ça. Même, c'est assez tardif, oui. Il n'y a pas le recul qu'on a aujourd'hui pour reconnaître certaines œuvres plus que d'autres, là. Oui, absolument. Il était quand même ami avec des artistes français. Enfin, il a connu Henri Matisse, il a connu le fils de Cézanne. Effectivement, c'est lui qui va acquérir quelques tableaux. Et il va connaître aussi Picasso. Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'exposition s'intéresse à la partie figurative de cette collection. Ah, mais il a ça. Aussi collectionné des artistes américains abstraits comme Jackson Pollock ou encore Robert Motherwell. Puis vous avez décidé justement de mettre l'accent sur le côté figuratif. Pourquoi? Hein? Parce qu'il y a... C'est la proposition du Musée d'art moderne de New York. On n'a pas décidé. L'exposition arrivait comme telle. En fait, c'était très cohérent comme ça. Donc, quand l'exposition circulait quand on a décidé de la prendre. Et donc, le fait que ce soit seulement la partie figurative ne nous a pas dérangé, compte tenu que les œuvres figuratives sont vraiment des œuvres clés de plusieurs périodes des artistes qui sont présentés. Et ça fait un tout quand même assez cohérent. Moi, je me questionne, en fait, parce que présenter une collection d'un individu, c'est pas la même chose que de monter, par exemple, une exposition de toutes pièces à partir de thématiques ou tout. Exactement. Ça. Vous avez choisi, dans ce cas-ci, de présenter plus les artistes individuellement, en séparant par des cloisons. Qu'est-ce qui a mené à ce type de décision-là? En fait, c'est que les périodes qui représentaient chaque artiste, c'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez Matisse, les œuvres qui sont dans la section Matisse sont des œuvres qui datent à peu près toutes de la période de Nice, donc des œuvres qui sont cohérentes en soi. Ça fait un îlot assez cohérent. Il y a une œuvre fauve, enfin, ou pré-fauve à l'intérieur de ça, mais dans l'ensemble, c'est assez cohérent. Et en fait, on a décidé de les présenter par artiste pour justement marquer cet intérêt que présentait chacun des artistes aux époques qui sont représentées. Et quand c'était pas par artiste, par exemple pour la section où on présente Giacometti et Francis Bacon, ouais. On a décidé d'orienter plus ça vers le mouvement, enfin ou vers des tendances qui étaient plus expressionnistes, par exemple avec Bacon, ou le cubisme est présenté avec d'un seul bloc en fait, puisqu'on a Picasso, Braque et Juan Gris qui sont dans la même section. Mais la plupart du temps, effectivement, c'est par artiste, parce que c'était ce qui semblait à nos yeux le plus cohérent pour présenter ces artistes-là, que ça soit Vuillard, mais bien que Vuillard est présenté avec Bonnard, en fait, on le retrouve pas très loin, donc on voit bien le lien entre ces artistes-là, ces deux artistes en particulier, mais enfin ça arrive à d'autres reprises, et les mouvements qu'ils représentaient. Mais j'imagine aussi que ça s'inscrit dans l'idée de ce qui m'a semblé, que Pelé semblait collectionner non seulement des œuvres, mais aussi des œuvres d'artistes plus spécifiques, donc creuser le travail de certains. Oui, absolument. Il a favorisé certains artistes. C'est pour ça qu'en fait, on ne pouvait pas représenter ça dans l'idée d'une histoire de l'art, par exemple, ou d'un parcours chronologique à travers toute cette collection. Il y a des artistes qui sont privilégiés. Je pense à Cézanne, Matisse, Gauguin. Je ne vais pas parler de Gauguin, mais enfin, il a acheté des œuvres absolument fabuleuses de Gauguin. Il y en a seulement quatre, mais lesquelles? Il y en a deux qui sont vraiment exceptionnelles. Et puis, c'est ça, il a vraiment insisté sur certaines périodes. Et il l'a fait avec beaucoup de flair. Je ne sais pas à cause de quoi c'était dû. Il semble que quand même, quand on regarde sa biographie, sa première femme était une amateur d'art, enfin une amatrice d'art. Et elle a sûrement dû avoir une incidence sur ses choix. Parce que après ce divorce, il se remarie et on sent que son goût de collectionneur est quand même moins boulimique qu'il l'était au début. Oui, quelque chose de moins frénétique, peut-être plus de recul. Dans les sept premières années, c'est incroyable le nombre d'œuvres qu'il a réussi à acquérir, et des œuvres clés, des œuvres majeures que n'importe quel musée d'art moderne aurait à l'époque aimé avoir, mais quoi qu'il n'y en avait pas tant que ça dans les années 30. Le MoMA existait depuis 1929 en fait, hein, quand il a commencé à collectionner, c'était 6 ans après l'ouverture du MoMA, et très vite il est entré au conseil d'administration, c'est-à-dire que il commence à collectionner en 35 et 2 ans plus tard il est au conseil d'administration du MoMA et il va y rester jusqu'en 90. Donc vraiment une très très longue période. D'ailleurs, il a fait don de sa collection. Voilà, c'est ça. Donc sa collection est passée à la Fondation Pelé et par une entente préalable, elle passait directement de la Fondation Pelé à la collection du Musée d'Art Moderne de New York. C'est une petite collection, si on calcule que les sœurs Cohn, par exemple, à Philadelphie, avaient laissé 3000 œuvres, pas à Philadelphie, mais à Baltimore, avaient laissé 3000 œuvres au Baltimore Museum of Art, mais les 82 œuvres que va laisser Pelé à New York, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel en termes de qualité. C'est une petite collection, mais j'ai lu là, dans les communications que le musée fournissait que William S. Pelé vivait avec ses œuvres, donc il les possédait pas pour non, purement c'est pas enrichir. Un spéculateur, effectivement. Et ça, on le voit quand on parcourt l'exposition, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs œuvres. Par exemple, je pense aux danseuses de Degas. Il y a un magnifique fusain qui fait à peu près 90 cm par 70 cm de largeur, 90 cm de haut. C'est une œuvre magnifique qui n'était pas dans la rétrospective Degas de 1988, une rétrospective qui avait été présentée à Ottawa, à New York, au Metropolitan et à Paris. Et en fait, cette œuvre-là aurait mérité figuré. On peut s'imaginer que l'œuvre a été demandée pour un emprunt et que Pelé ne l'a pas prêté parce qu'il prêtait ses œuvres uniquement au MoMA et pas à d'autres institutions. Apparemment, il vivait régulièrement avec ses œuvres. Il les gardait dans son appartement ou dans sa maison de Long Island. Et on a quelques photos qui nous montrent les œuvres in situ. Et on comprend, en fait, quand on voit ses intérieurs, pourquoi il voulait pas se séparer de ces œuvres-là, puisqu'en fin de compte, elles étaient dans des décors qu'il avait aménagés de façon tout à fait cohérente. Et donc, c'était son univers à lui et c'était sa manière de vivre avec ces pièces-là. J'imagine qu'il y a fort à Paris aussi que ça a beaucoup influencé son choix d'œuvre, de cette idée de vivre en proximité avec elle. Oui, obligatoirement. Ça a eu un effet parce que faut voir la qualité des œuvres, en fait. Et quand on pense que dans l'entrée de l'appartement de la 5e avenue, on avait le meneur de cheval nu, lui aux mains jointes, à proximité. Incroyable. C'est absolument incroyable, oui, effectivement. Donc, deux œuvres majeures de Picasso, oui. Monsieur Pelé semble avoir accordé une préférence assez grande à la peinture, mais il y a quand même une belle place accordée à la sculpture aussi. Oui, il y a une place, mais enfin, quand on quand on fait vraiment le point et qu'on regarde la qualité de la peinture, on est un peu surpris et on voit qu'il y a une marge quand même assez importante entre son goût de collectionneur de peinture et son goût de collectionneur de sculpture. Donc en fait, dans l'exposition, c'est seulement 8 œuvres, enfin je dis 8 œuvres, mais en fait il y a un groupe de 5 avec les bourgeois de Calais, de Rodin. Donc il y a 8 œuvres de Mayol, Rodin, Bourdel et Lachaise. Et en fait, les œuvres clés, c'est vraiment les deux mains de Bourdel qui sont vraiment exceptionnelles. Et puis ces petits Mayol en terre cuite qui nous rappellent un peu la sculpture antique grecque, qui sont quand même assez impressionnants, malgré leurs dimensions toutes légères. Mais en fait, tout est petit dans cette collection-là. C'est les œuvres sont grandes, mais les formats sont en général très petits. Je ne sais pas si ça vous a surpris, mais nous, on était quand même un peu étonnés de voir que c'est vraiment des tableaux d'appartement, des tableaux avec des dimensions très, très modestes, mais d'une qualité exceptionnelle. Jean-Pierre Labio, mercredi de la semaine prochaine, soit le 23 octobre à 19h, vous faites une visite spéciale de l'exposition. Vous allez commenter la collection, les œuvres? Oui, c'est ça. En fait, je fais une présentation de William Pellé, je fais un commentaire sur les œuvres ou sur les artistes représentés dans cette collection-là, en montrant justement à quel point cette collection a un parti pris moderne. Ça, on le remarque à plusieurs endroits dans des œuvres ancienne que celle de Cézanne, mais en fait on voit ce regard qu'ont les peintres à partir de la fin du 19e siècle sur les sujets qu'ils abordent et sur cette non-préoccupation de représenter la perspective, c'est-à-dire que dans le fond, de plus à chaque tableau, on s'aperçoit que vraiment c'est l'affirmation de la toile qui domine et l'affirmation de la peinture comme matière et non pas le sujet représenté et l'idée de faire un trompe-l'œil, et ça on le voit bien à peu près dans toutes les œuvres qui sont dans l'exposition. Eh bien, Jean-Pierre Labio, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Donc, l'exposition « La collection William S. Pellé, un goût pour l'art moderne » est présentée, elle vient tout juste de commencer, présentée au Musée des beaux-arts jusqu'au 16 février. Jean-Pierre Labio est conservateur aux arts décoratifs et aux expositions. C'est également le commissaire de l'exposition. On s'en va en pause et au retour, on discute avec Dominique Savoie. Pendant tout le mois d'octobre, à chaque jour de semaine, soyez à l'écoute des Matins éphémères et de Change de disque et courez la chance de gagner un prix. Plus de 40 cadeaux pour nos 40 ans. Le 31 octobre, parmi tous les gagnants du mois, un panier cadeau d'une valeur de 200$ sera offert par la chocolaterie Héricot. Juste à temps pour l'Halloween. Un numéro à retenir, 418-640-1586. Soyez attentifs. Le concours est réservé aux membres de CKRL et à ceux qui souhaiteraient le devenir. C'est à notre tour de vous gâter. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 25 novembre, 20h, au Cercle. Bleu contre rouge, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. La 7e édition du Festival de jazz de Québec, sous la présidence d'honneur de Raoul Duguay, aura lieu du 15 au 27 octobre. Plus de 80 spectacles qui animeront la ville avec comme invités de renommée internationale Nicky Yanofsky, Roy Hargrove, Ravi Coltrane. Les grands noms du jazz au Québec livreront des performances au Théâtre du Capitole. Cette année, le festival célébrera la rencontre du jazz et du classique en collaboration avec l'OSQ au Palais Montcalm. Informez-vous sur jazzaquebec.ca. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 14 octobre, 20h, au Cercle, bleu contre orange, entrée libre. Les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Dessin, jeux, musique, un événement hors du commun. Le Centre de parrainage civique de Québec vous invite le 17 octobre prochain au bar Le Sacrilège au 447 rue Saint-Jean. Pour chaque pinte de bière vendue à partir de 21h et ce jusqu'à la fermeture, un montant de 75 sous sera donné au Centre de parrainage civique de Québec. Une belle occasion de se rassembler et d'apprendre à connaître un organisme communautaire qui est dans votre milieu depuis 34 ans. Venez soutenir le Centre de parrainage civique au Sacrilège le 17 octobre. Du 6 au 10 novembre se tiendra De la parole au conte, le rendez-vous de la parole contée à Québec. Des artistes de plusieurs régions du Québec, dont les îles de la Madeleine, se rejoignent dans la capitale pour vous offrir 5 jours de spectacle aux voûtes de la Maison Chevalier et au bar Le Sacrilège. Contes pour les grands, spectacles jeunesse et concours de la meilleure menterie. Programmation complète et billets en prévente sur lesamisimaginaires.ca. Il se lance à corps perdu dans le vide vertigineux de l'amour, espérant y trouver une main amie, un sens à leur vie. L'amour peut-il être heureux? Du 13 au 19 octobre, les élèves du Conservatoire d'art dramatique de Québec entrent en scène dans La réunification des deux Corées. Un texte de Joël Pomera, mis en scène par Michel Nadeau. À voir au Théâtre du Conservatoire. Billets 10$ et 5$ en vente au Conservatoire. 418-643-0494. Bob Dylan. Bob Dylan, Richard Séguin, Emmylou Harris, Lucinda Williams, Folk d'Amérique. Avec podcast, Leonard Cohen, Lila Downs. Folk d'Amérique. Lisa Leblanc. Lightning Hopkins. Neil Young. Tous les mardis soirs à 18h30 sur les ondes de CKRL. La radio qui cultive ses racines. Avec Gilles Chaumel. On est de retour à l'aérospatiale. Gilles Gagné, toujours avec vous pour discuter art visuel et me rejoint à l'instant Dominique Savoie. Bonjour. Salut. Dominique, t'es allée faire un tour à la Maison des Jésuites pour voir de l'art contemporain autochtone. Oui, c'est ça. Un lieu quand même assez inusité pour parler d'art contemporain ou art actuel. Donc, jusqu'au 15 décembre, la Maison des Jésuites présente, ils ont toujours une exposition permanente, mais en exposition temporaire, donc ils présentent l'exposition « Qui suit ?» l'identité autochtone au 21e siècle. Donc, ça regroupe en fait 7 artistes d'origine amérindienne canadienne. C'est-à-dire, ces 7 artistes-là sont Sonny Assou, là, je ne sais pas si je vais bien prononcer. C'est pas très on grave. On s'entend que... Rebecca Belmore, Nicolas Galanine, Terence Hull, Nadia Mir, Mike Patton, puis Victoria Ransom. Donc, ce sont les 7 artistes invités dans le cadre de cette exposition-là. Et ils nous présentent chacun quand même plus d'une œuvre. Donc, malgré, le lieu n'est pas très grand, mais malgré tout, il y a quand même Ouais, c'est surprenant. Un bel ensemble, là. Puis ça s'agence bien tout ça ensemble. On reconnaît facilement, donc, dès les premiers pas dans l'expo, la facture, donc, autochtone, amérindienne, là, donc, beaucoup de symboles qu'on reconnaît. Ce qui est intéressant aussi, c'est sûr que tout le long, le titre en dit un peu sur le contenu. Ben donc, ouais, c'est vraiment une quête identitaire, bien évidemment, avec des accents, donc, plus actualisant là, par rapport justement à l'art contemporain, l'art actuel. Ces artistes-là réutilisent le langage traditionnel amérindien, mais l'actualisent. Donc, va vraiment donner la touche 21e siècle. Oui, parce qu'on est vraiment loin d'un art traditionnel là, dans cette exposition-là. Non, c'est ça. Non, la facture est vraiment pas traditionnelle, mais on reconnaît des éléments de la culture. Ben oui. Fait intéressant aussi, moi personnellement, c'est venu m'interpeller le fait que ce soit dans la Maison des Jésuites là. Ouais, moi aussi, en fait, ça a piqué ma curiosité. C'est ça, les Jésuites. Ben j'imagine qu'on n'a pas choisi le lieu. On a choisi le lieu justement un peu peut-être pour jouer avec cette contradiction-là dans la culture amérindienne. Effectivement, les Jésuites ont joué un rôle ici ou en Nouvelle-France, donc en évangélisant les Amérindiens, donc les peuples amérindiens, particulièrement les Hurons. Puis, donc, le fait qu'on fasse une exposition aujourd'hui en art actuel dans ces lieux-là, je trouvais que ça faisait justement une autre belle tranche de l'histoire là, à poursuivre. Donc, parmi les artistes, en fait, il y a beaucoup de choses, donc je pourrais pas parler de tous, mais certaines œuvres m'apparaît peut-être un peu plus significative ou encore peut-être plus marquante. Ouais, percutante aussi. Percutante, ouais. Parfois même dérangeante. Je pense particulièrement à une œuvre de Rebecca Belmore. En fait, c'est la première chose qu'on voit en entrant dans l'exposition, c'est l'œuvre de Rebecca Belmore. C'est une photographie numérique d'un nu. Donc, d'un nu très classique, c'est-à-dire par la forme. Donc, on voit une femme nue couchée sur le côté, mais vue de dos. Mais ce qui est percutant, c'est surtout la grande cicatrice qu'elle a dans le dos. Donc, ouais, une cicatrice assez vibrante, assez marquante et assez prononcée. Et dans cette cicatrice-là, ben, on voit tout le travail d'une ornementation perlée, en fait. L'œuvre s'appelle frange. Donc, ça fait comme une frange de perles. Donc, les perles de verre qui sont justement une des traditions ornementales amérindiennes. Et ben, c'est sûr que ça évoque nécessairement un peu la violence envers, donc, les femmes amérindiennes, mais aussi une forme de violence culturelle qu'on peut retrouver là, à travers les différentes communautés amérindiennes. Puis l'image est frappante, est percutante, est grand format, donc malgré tout, elle est très belle aussi. C'est très, ouais, esthétique comme travail, très recherché. Puis ben, les liens juste avec l'histoire de l'art aussi sont faciles à faire là, en regardant cette œuvre. Mais tu parlais de la cicatrice, la situation des femmes autochtones. Moi, je voyais aussi beaucoup justement à l'identité culturelle, oui, amérindienne actuelle qui justement est en train de tenter de se cicatriser de ce qui s'est passé. On cherche à se redéfinir aussi, parce qu'on voit aussi que ce qui est pas anodin non plus, cette cicatrice-là est en train de guérir sur, ouais, la jeune fille en question. On voit qu'elle est en train justement, tu sais, de se refermer, et on la couvre de perles comme pour la cacher en même temps, mais l'embellir, tu sais, comme on fait avec cette cicatrice-là. Comme si les perles sortaient aussi, ouais, donc du corps. Ouais. Exactement. Donc, il y a quelque chose de très beau dans cette image-là. En tout cas, moi, c'est vraiment la première image de l'expo et l'image qui m'a le plus marquée. Ouais. Et juste à côté, une autre œuvre de Rebecca Belmore. Je sais pas si j'ai accroché particulièrement sur elle. Peut-être ça, c'est très évocateur là comme. Mais c'est que ça commence fort, tu sais, c'est, ouais, comme un coup de poing dans le début de l'exposition. Là. Exactement. Donc c'est une sculpture cette fois-ci qui s'appelle Mixed Blessing. Puis c'est en fait une jeune femme dont le visage est caché qui est accroupie et qui est recouverte d'une longue chevelure qui traîne là, mais qui, ouais, dépasse, donc vraiment là, elle a comme un chandail à capuchon là, exactement, en coton batté, là. Qui dans sur le chandail à capuchon, en fait, ton sur ton, noir sur noir, on voit comme une croix, un signe de croix qui est marqué par des lettres, donc ça écrit fucking artist puis fucking itinerant, je pense. Ah ouais, quelque chose comme ça. Ouf. Donc on fait référence aussi à dans les centres, dans les métropoles. Donc souvent, on retrouve. J'ai une image là à Montréal dans un le square. Je nommerai pas le square en question, mais justement des itinérants, des itinérantes, souvent amérindiennes ou inuites, donc qui traînent un peu donc là, mais en même temps vendent des choses qu'ils ont fait pour essayer de ramasser un peu de sous. Donc ça me fait, l'image m'évoquait ça un peu aussi. Puis cette longue chevelure là qui vient cacher complètement le visage en même temps, tu sais, c'est très percutant aussi comme. Ouais, c'est comme si la femme elle était accroupie là, donc elle se laisse pas voir, on voit juste le dos, puis la chevelure, tu dis, elle est longue, mais elle est comme très longue. Elle vient faire comme un aura, un soleil autour, je sais pas comment, ouais, dire, mais... c'est ça. C'est un peu l'idée, là, de... Justement, elle est cachée par cette chevelure-là, qui est une chevelure qui est très symbolique aussi, là, l'idée du temps qui passe, l'idée aussi de... ben, tu sais, c'est la chevelure noire aussi, là, ouais, très traditionnelle, typique, donc... Belle image encore une fois là, de Rebecca Belmore. Puis c'est l'expo est divisée en trois sections, en trois salles. Puis dans une autre des salles aussi, toujours bien choisi, je trouve l'espèce de dialogue entre les différentes œuvres. Il y a Nadia Mir. C'est une artiste qui habite à Montréal, qui est d'origine algonquine, qui présente une espèce de diptyque. Donc, ce sont deux grandes photographies numériques de forme circulaire qui, en fait, ce sont des gros plans de travail d'un tissage perlé. Et c'est tellement gros plan que, en fait, on perd un peu cette idée de l'ouvrage perlé. C'est vraiment avec le recul qu'on reconnaît la chose. Puis c'est sûr que pour moi, ça évoque aussi l'idée de peut-être dans le lieu, ça m'a paru encore plus frappant, là, mais de la rose des cathédrales. Ouais. Le fait que ce soit de la perle de verre également, donc rappelle aussi un peu l'ouvrage vitrail. Donc puis là, ben nécessairement le rapport entre les Amérindiens, la religion catholique, etc., etc. aussi, qui vient un peu travailler là-dessus. Puis sinon, ben c'est sûr que dans l'ensemble du travail des artistes qui sont là, on remarque des constantes. Là, il y a des couleurs qui reviennent beaucoup, là, des couleurs traditionnelles, le rouge est omniprésent. Ben oui. On pense juste à l'artiste Vanessa Ransom, elle qui recouvre en fait différents objets de tissu patchwork, là, donc en rouge. Là, elle a fait référence surtout au fédéral, là, parce qu'une de ses œuvres fait référence à la loi sur les Indiens de 1951, puis c'est un peu l'idée là, que tout ça a changé la vie, de sa vie personnelle, mais aussi des influences sur sa famille, sa communauté, etc., etc. Puis ben, le rouge ici est significatif donc du Canada, là, vraiment plus symbolique, mais c'est aussi une couleur qu'on retrouve beaucoup de toute façon dans l'art traditionnel amérindien également. Et on sent, sans oublier qu'on les appelait aussi les peaux rouges, ben oui. Et on joue avec cette idée-là aussi dans une des œuvres de Mike Patton, qui sont des pommes croquées. Ben, c'est rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Donc, il y a ce jeu-là qui est de la couleur qui est très présent dans l'ensemble de l'exposition, là. Et c'est une exposition, Dominique, que t'as appréciée, que tu recommandes fortement? Ben oui, j'ai apprécié, puis sincèrement, le contraste, parce que si vous y allez, prenez la peine d'aller voir en bas, c'est l'art traditionnel, là, vraiment de la Nouvelle-France, on va de l'art traditionnel amérindien, puis on arrive au deuxième étage, puis là, c'est l'exposition. C'est un saut dans le temps, là. C'est un saut dans le temps, un très bon saut dans le temps, mais malgré le fait qu'on reste dans le même immeuble, qui est très traditionnel, on a des punchs, donc d'art actuel, puis c'est intéressant aussi de voir justement là, quelle est la relation de ces artistes autochtones qui se font une place donc dans l'art contemporain. Là. Moi, j'ai apprécié. Je la recommande parce que c'est un peu inusité, puis c'est un lieu aussi qu'on n'est pas habitué de fréquenter. Non, en fait, moi, c'est la première fois que j'allais à cet endroit-là. Ouais, en tout cas, je me suis abonnée aux communications. Là. Maintenant, je vais le savoir, là, mais je suis intriguée de voir ce qui va se passer. Exactement. Ben, c'est juste pour ceux qui ne savent pas où est la maison des Jésuites, c'est à Sillery, c'est sur le chemin du Foulon. Très beau site. Puis on va là, puis après on va se promener sur le bord de la promenade Samuel de Champlain. Voilà, c'est juste à côté. Rappelle-moi le titre, Dominique. C'est Qui suis-je? L'identité autochtone au 21e siècle. Voilà, donc c'est présenté à la Maison des Jésuites de Sillery jusqu'au 15 décembre. Merci. Donc Dominique Savoie, on se revoit dans environ un mois. Oui. À peu près 4 semaines. Et voilà, on s'en va en pause audio. On écoute Killer sur les ondes de CKRL. Nine in a waist, half that in a glove box. Rope in the trunk, strip nine in a lunchbox. Hefty bag, Ziploc, Prada bag, holla back. Plenty ties to go around and all these bitches on a sack. In a sack, murder cap, dial M for massacre. Dial nine, the outside lines will lead you to the catheter. Cater to the catacomb, cat stand kitty corner. But the realist gonna stand alone and shoot him like a soldier. Necktie Colombian, blood on a rug again. Rip a fucking liver out, the gizzards jitterbugging in the chest cavity. Steal a gold tooth for the vanity. Snatch a wallet, call it in the papers, call it tragedy. It's 9 lives, 8 racks, 7 holes to bring it back. 6 tray, 5 miles per hour, sitting on 4 flats. 3 fingers twisted up, 2 shots, rat, rat. 1 King Kong motherfucker riding low in a fitted cap. Killer, killer, gotta be a killer. These is killers, you fuck with killers. They'll fucking kill you, kill some. Go with killers, bitch, that make killers. Be the killer, the name is killer. Killer, the killer, kill some. Many killers, can murder killers. All these killers ain't really killers. Killers when they fucking killer. Got all these killers out to kill you. Cause that's a killer. You ain't a killer, you. Slit wrist, this pock tickers my knock sniff. My time's up in this Glock's bitch. I'm fired up and my cock's rich. Manned up to be boy down. Gold watch is my band-aid. Grip 10 bills, call it blood money that I ripped up cause I'm half paid. Jackson raping Benjamin, he pleads Lincoln. Good thing I have changed. Picked up the penny face down and my life turned upside down, so I rampage. Let that pit bull bite down. What you scared of? Fucking pipe down. Pipe dreams for this gasoline. 2 fists covered in Vaseline. Ash my weed on this body bag. Put wraps in the bottle, then light the rag. Fuego gave you peso. Fuck your halo. Say no to Darren. Police who claim to care to save him. You ain't no gangster, I'm a gangster. Pop pills in the station, huh? So what's a mantra to the memento minded? I write that shit in blood. If you have a pencil, find it. Why so fucking quiet? I am the riot to repo the dog and reservoir. Tyrant beating the license out of poetic horse. All these killers ain't really killers, claiming they're killers when they fucking killer. Got all these killers out to kill. kill you, cause that's a killer. You ain't a killer, that's a... I'm calling from in the house. That's what he said when the phone clicked off and the gun cocked back and his brains blew out and his bitch, she laughed, poured a glass and whispered, baby, make me shout. But she ain't screaming no more because that dick up in her mouth. Got pissed off, got pissed off. On est de retour à l'aérospatiale. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Jacques Juniac pour son travail à la mise en onde. Avant de poursuivre l'émission, je vous invite à visiter notre site internet l'aérospatiale.wordpress.com pour tout ce qui est balado diffusion, communiqué de presse, également les liens pour la revue de presse de Raymond Poirier, pour le téléchargement des pièces présentées par Simon Roy. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, donc pour connaître un peu à l'avance le menu de nos émissions. On s'est tourné vers l'art moderne, on s'en va dans une autre direction complètement. On s'en va au lieu où cours l'exposition Retour sur l'expérience et après d'Alain Snijers. Bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Snijers, cette exposition-là, c'est à la fois comme une rétrospective, je dirais partielle, parce qu'on voit effectivement pas tout ce que vous avez fait, des œuvres que vous avez produites au Québec. Également, il y a des choses donc que vous avez faites pour cette exposition-là. J'imagine d'où l'idée, retour sur l'expérience et après. C'est quoi qui est à l'origine de cette exposition-là? Alors oui, en quelques mots, c'est une exposition qui m'a été proposée par l'équipe du lieu, le Centre d'art actuel de Québec, qui connaissait mon travail depuis 1980, date à laquelle je suis venu avec Hervé Fischer, un artiste d'art sociologique, mener une première opération au Saguenay dans le cadre du premier symposium international de sculpture environnementale de Chicoutimi. Donc c'est mon premier contact avec le pays en juin 1980 pour un grand projet qui s'est appelé Citoyen Sculpteur, qui a été, je dirais très modestement, réussi, qui a eu un fort impact, dont on a relativement pas mal parlé par la suite et qui s'est inscrit dans une logique d'un art ouvert sur la société, un art participatif et en même temps un art qui pose des questions sur la pratique artistique, les professionnels, mais également le cadre de vie et l'environnement, puisque c'était le sujet. J'ai eu l'occasion de faire d'autres expériences artistiques au Québec et bon, avec des manœuvres diverses, en parallèle de ce que je fais en Europe depuis plusieurs années, et c'est là où Richard Martel du lieu m'a dit, mais tiens, on pourrait faire quelque chose qui rappellerait à la fois cette histoire, mais qui permettrait aussi à des artistes plus jeunes d'avoir des repères sur des pratiques antérieures, sur des questions qui sont certainement toujours d'actualité, et c'est là, j'ai commencé à construire il y a quelques mois une exposition pas tout à fait rétrospective, mais parce que c'est un aspect. J'ai porté le focus sur ce qu'on a appelé des manœuvres collectives et participatives, mais aussi et surtout sur ce que j'avais fait au Québec à plusieurs occasions, à d'autres voyages. Oui, d'ailleurs, parlons-en de ce que vous avez fait au Québec. Notamment, c'est pas la première fois que vous venez à CKRL, parce que vous avez déjà, je crois, c'est en 1980, présenté un feuilleton. Alors, j'ai eu la chance, c'était une aventure formidable de rencontrer ces KRL que je connaissais pas en 1980. D'ailleurs, toujours surpris aujourd'hui de m'y retrouver 33 ans après. Oui. Donc, ces KRL va bien, est devenu très adulte. Alors, j'avais fait un petit feuilleton assez original en 9 épisodes qui étaient des enregistrements directs de coins de rue. Alors, je crois que c'était sur Grande Allée. Je me mettais au carrefour et j'observais le trafic routier pendant 15 minutes et je décrivais comme un chroniqueur sportif décrit une compétition, une course ou un match. Et en fait, je décrivais le passage des gens et ça s'est fait en 9 épisodes qui ont été diffusés 9 fois de suite sur CKRL. Ah ouais, des épisodes, vous disiez, de 15 minutes. Une quinzaine de minutes ou douzaine de minutes jusqu'au épuisement, quoi. Et c'était, je vois une voiture rouge qui passe, la dame avec son chapeau est revenue, le chien est à côté, il attend devant le signal, le camion a fait du bruit, le ciel est couvert. Enfin bon, c'était une espèce de phrase comme ça, descriptive, avec l'énumération des véhicules, des plaques de voitures, les enseignes de camions. Donc on voit que CKRL quand même était assez ouvert là, de vous avoir confié comme ça. J'ai fait cette action, j'en ai fait une autre qui est une revue de presse à la même époque ou dans le studio qui n'était pas ici. On était 7 ou 8 à lire ensemble le journal du jour dans une très très grande cacophonie. Ah ouais. Plus le trop d'informations tuant l'information. C'était ça l'idée. Mais j'imagine, en tout cas, mais de ce que je perçois de l'exposition, il y a toujours, tu sais, la cacophonie comme ça, ou l'idée du commentateur sportif. Il y a toujours une forme d'humour qui est présente dans ce que vous faites. Alors, c'est incontestable, plus aujourd'hui qu'il y a 30 ans, c'est vrai. J'ai évoqué des actions anciennes que j'ai pu mener à Québec aussi par la suite, ou des petites performances. Et puis, ne voulant pas être dans la rétrospective, dans le passé, pour moi, la vie artistique commence demain matin, en quelque sorte. Enfin, j'ai toujours une excitation présente. Et c'est pour ça que j'ai voulu ajouter deux ou trois volets actuel avec ce que vous allez certainement pointer, oui. La création d'une agence immobilière fictive qui s'appelle Interimo et qui est une exposition très très populaire puisqu'elle est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur la rue, et c'est gratuit, la rue du Pont. Dans les vitrines. Sur les vitrines, donc tout le monde peut venir voir cette exposition qui est une agence parodique pour laquelle l'humour participe beaucoup à sa réalité, l'humour conjugué avec une parodie humoristique mais néanmoins très technique du langage ou de la poétique, ah oui, entre guillemets, de l'immobilier, y compris québécois. Oui, parce que là, vous vendez des coins de paradis, une ruine unifamiliale, un plateau de fromage, un escalier communautaire. J'imagine que vous avez dû avoir quand même pas mal de plaisir là, à écrire tout ça, parce qu'il y en a là, des annonces, là, je ne les ai pas comptées. Il y a 36, j'ai eu beaucoup de plaisir. Bon, j'avoue que c'est pas ma première agence, mais c'est un travail contextuel. Et comme j'étais invité à Québec, j'ai dit, je vais faire aussi un travail pour Québec, avec plaisir, parce que j'étais très heureux de revenir ici. C'est toujours un grand bonheur et un grand plaisir d'être dans cette ville. Donc, du coup, on a envie de travailler beaucoup plus. Et pendant une partie de l'été, j'ai préparé cette agence immobilière visible sur la rue, mais pour laquelle j'ai dû vraiment travailler. Un travail beaucoup de recherche, hein, j'imagine. Oui, parce que j'ai pas ce langage-là. Moi, je viens de France, j'habite à côté de Lyon, et les pieds carrés, les condos, tout ça, on sait pas ce que c'est, nous autres en France. Donc, il a fallu que je m'adapte. En plus, les annonces en question sont généralement liées au quartier choisi, donc il y a un rapport entre l'offre et le quartier. Bon, voilà. Puis après, on bascule dans une poétique de l'absurde, de la dérision, mais à partir de contraintes tout à fait réelles. Oui, donc vous êtes vraiment dans le détournement là, du langage, de l'aspect visuel et tout ça, de ces annonces-là. C'est totalement du détournement, mais sur des bases connues, jouant sur l'ambiguïté que, vu de loin à travers la rue ou le trottoir, cela peut paraître une agence authentique. Et en fait, elle n'est pas tout authentique quand on rentre en deuxième lecture, mais c'est cette bascule qui est tout à fait intéressante. D'ailleurs, pour aller jusqu'au bout, jeudi prochain, le 17, oui, en 48 heures, nous organisons dans l'espace du lieu une vente à l'encan de cette magnifique promotion immobilière radieuse, et avec une vente à l'encan avec une mise à prix au départ de 1 dollar. Ah oui? Bon, ça peut peut-être faire un peu plus, ou bon, je mettrai pas moins. Fait qu'on n'ira pas, par exemple, jusqu'à payer 515 000 $ pour la ruine unifamiliale, par exemple. Alors, si quelqu'un veut payer plus d'un demi-million de dollars pour une ruine unifamiliale, nous sommes tous d'accord. Et d'ailleurs, vous parlez de ça jeudi, donc la grande vente aux enchères. Également, il y aura une conférence débat avec Guy Sioui-Durand. Alors, j'espère qu'il sera là, mais il y aura plutôt un débat sur l'engagement dans la société, l'intervention dans la ville, et une surprise à présenter sur un nouveau projet que nous allons mettre que nous accompagnons en vue des actuelles élections municipales de la ville. J'imagine que vous parlez du workshop sur lequel vous êtes en train de travailler. Nous travaillons là-dessus et nous apportons. Avec qui travaillez-vous, hein? Alors, un groupe de 5 jeunes artistes plutôt issus du département d'art visuel de l'université. OK. Ils sont du Québec, hein, tous. Hein, voilà. Donc, on n'oublie pas retour sur l'expérience et après. Donc, on sent que ça, c'est vraiment présent aussi, là, dans votre passage. Il y a le présent de cette action-là, mais le après, c'est aussi donner des éléments pour des jeunes gens et jeunes filles, oui, qui sont tout à fait formidables. C'est la suite, quoi. Donc, je passe le relais, mais d'une certaine manière, pour eux. J'ai envie de parler des autres choses que vous faites. Vous avez notamment fait 2 campagnes d'affichage, Perdu. Ah oui. Temps et Perdu appétit. Vous avez mis ça en Hauteville, ou est-ce que vous avez affiché? Alors, on perd toujours des choses dans la vie, hein. On perd la tête quelquefois, on perd sa mémoire. Bon, là, il se trouve que j'ai perdu connaissance et que j'espère, par un avis de recherche, que quelqu'un retrouvera la connaissance. Et puis l'autre jour, j'avais perdu l'appétit sur le quartier Saint-Jean-Baptiste. Donc, j'ai mis un avis de recherche avec un numéro de téléphone et éventuellement une récompense. Est-ce que les gens ont appelé parce que ce numéro de téléphone, c'est un numéro qui existe, des éditions intervention? Oui, alors pour l'instant, personne n'a appelé, ce qui... Alors je me suis aperçu que beaucoup de mes affichettes sont volées assez vite. Ah ouais? Parce que je vérifie, j'ai dû en mettre plus de 60 de chaque côté. Bon, je continuerai demain. Bon, c'est le petit affichage modeste, sauvage. Mais effectivement, ça peut amuser les gens. Il y a des gens qui aiment pas, il y a la pluie qui peut pas aimer non plus, mais aussi des gens qui collectionnent. Alors, en général, c'est pas la première fois, j'ai peu de retours. Mais ça peut prendre du temps pour qu'il y ait des retours. Si l'affiche reste 3 mois, quelqu'un peut appeler. Alors j'ai un appât, j'ai mis récompense possible. Donc les gens aussi téléphonent pour savoir quelle est la nature de la récompense. Et vous dites donc vous avez peu de retours. J'imagine aussi qu'on doit... Vous attendez à ça, là. Donc vous allez vers les gens, vous leur offrez quelque chose, mais après ça... Ben, c'est la loi de la rue, ben oui. C'est-à-dire que le retour n'est pas garanti. Donc, et puis on tombe dans un monde très anonyme. Donc la foule est anonyme, c'est un bain dans la foule, enfin c'est l'inconnu aussi. Il peut y avoir plein de choses, il peut y avoir des choses très inattendues, des choses agréables, comme des choses désagréables, et puis il peut y avoir rien du tout. Et parlant de rien, vous avez fait une pétition pour rien? Voilà, on arrive à une bonne transition. Alors quand je suis venu en 90, il y avait beaucoup d'agitation sur des trucs écologiques, etc., que des pétitions, ce qui menait à rien. Et j'ai dit, je vais faire une pétition pour rien. J'ai essayé ici à Québec en décembre 90. J'ai eu près de 400 signatures. Ah ouais, quand même? Ah oui, les gens s'engagent pour rien. Et moi, j'atteins mes objectifs, puisque je ne fais rien. Avec ça, et là je me dis je vais refaire la chose et j'ai relancé une nouvelle pétition pour rien, la 13e du genre. Oui, c'est ça, puis il y a déjà pas mal de signatures là, parce que moi quand j'y suis allé, il y avait au moins 3/4 d'une feuille, je sais pas à quel point il y en avait eu d'autres. Mais j'ai amené à ces carrières la feuille, on va signer maintenant. Ah oui, bon ben voilà, j'avais oublié de la signer. Alain Snyder, c'est déjà le temps de terminer cette entrevue. Je rappelle donc jeudi à 18h au lieu, donc c'est la grande vente aux enchères de l'immobilier radieux de l'agence Interimmo. Également samedi le 19, il y aura une session performative et des interventions publiques, non? Non, c'est pas là. Non. Ah, bon, ben j'ai mal noté l'information. On corrigera sur le site de l'aérospatiale. Donc, à tout le moins, c'est un rendez-vous jeudi prochain. Absolument. Donc, merci beaucoup. Donc, si vous avez pas le temps d'y aller jeudi, ben l'exposition est présentée jusqu'au 25 octobre. On fait une très courte pause audio. On écoute un extrait de la pièce « Story ». Smacking a straight jacket, a Mac and a knife, a broad's back and it's broad, back at a taxi, a trife, motherfucker, the light, lights, motherfucker, the lights, fuck it, it's bright as a motherfucker, he right as a motherfucker, the rain, can't stand the plastic canisters and the brain pan, is pandering, dang man, he keeping it tucked, what, the 9 in the space between a spine and a belt buckle, the safety is on fine, his rocker is offline, he rocking that cat fitted, she sitting in his lap kissing, the driver, he laughs, nobody see him, he gas dipping, the road slick, ass slipping and dang, he hope they paying the cash, sick as these hipster ass kisses, kissing everyone's ass, but his history majoring, doing shit with it, but what would he do, teach at the fucking new school of the arts, for a bunch of hooligan upstarts, full of themselves, not smart enough to grapple with anything real. Et c'est déjà la fin de l'émission. Avant de terminer, je vous invite à quelques événements, ça bouge pas mal cette semaine, demain, à 18h au Cercle, c'est Cinéma Avatar, avec une sélection, de John Blouin. Jeudi, donc au lieu, on a parlé de la grande vente aux enchères, au lieu également, c'est à 17h le vernissage de Geneviève Gasse à la Galerie des Arts Visuels. Courte exposition en grammes du 18 au 20 octobre. Futilité à emporter, exposition conviviale. Également en fin de semaine, c'est le Festival international du film sur l'argile et le verre, donc présenté par Materia au Musée national des beaux-arts du Québec. Une visite spéciale de l'exposition Léopold L. Foulem au musée samedi à 10h30. Et puis, ben, oubliez pas, c'est la foire la première édition de la Foire en art actuel, donc du 18 au 20 octobre, c'est à l'œil de poisson. Donc, si vous voulez vous procurer des œuvres d'art d'artistes de Québec et ou de Montréal. Voilà, c'est déjà tout pour l'émission. Je remercie Jacques Gignac et je vous invite à écouter Folk d'Amérique avec Jean-Philippe, j'oublie son nom de famille, disons Jean-Philippe, Jean-Philippe Deschênes, voilà, sur les ondes de CKRL.